Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur, et encore une fois cette semaine, on va jaser avec du beau monde. Non, pas toi, Luc. Non, toi. Ouais, non. Je m'en doutais bien. Luc Desormeaux est avec moi, mon collaborateur de toujours. Salut, Luc. Salut. Moi, ouais, tu peux pas te débarrasser de moi, qu'est-ce que tu veux? Ah non. Un pot de colle? Telle une grippe ou... ou un genre d'affaire négative de même. Ou le mauvais temps, quelque chose de même. Ensuite, on a un autre invité cette semaine. Il est de Cleaver Plays. Il est project lead et designer pour cette entreprise montréalaise. On accueille Mathieu Bégin. Petit applaudissement. Salut tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Salut Mathieu, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ouais. Avant d'y aller avec l'entrevue, comme à l'habitude, nous, on a toujours nos fails parce que l'humanité n'est pas parfaite. Qu'est-ce que tu veux? Puis nous autres, on aime ça y rappeler. Cette semaine, on a deux petits fails. On va commencer avec toi, Luc. Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ben moi, j'ai vu passer une nouvelle cette semaine. On sait tous que J.J. Abrams, Monsieur Lens Flare, est en train de refaire une nouvelle trilogie de Star Wars. En tout cas, il va faire au moins le premier. Et puis là, on a su qu'il y avait signé plein de monde, dont Carrie Fisher, Harrison Ford et Mark Hamill, qui vont reprendre leur rôle des films qu'on a connus étant moi jeune, vous autres peut-être, après leur sortie. Donc, Star Wars s'en revient, épisode 7. Et puis, ils ont demandé à Dennis Lawson. Là, j'imagine que la plupart du monde ne sauront pas qui est Dennis Lawson. Lawson. Vrai, faux, peut-être? Non, que dalle. OK. Dennis Lawson, c'était la personne qui jouait le pilote Wedge Antilles dans les trois films qu'on appellerait 4, 5, 6, films originaux. Ben oui. Non, c'est pas donc, vrai. Il jouait Wedge, il jouait celui qui se fait dire à un moment donné, parce qu'il se fait toucher son vaisseau, tu sais un peu à rien, va-t'en. Ton tweet est dans le chemin. Ouais, c'est ça, ton tweet est dans le chemin. Donc, ils ont demandé à Dennis Lawson si ça l'intéresserait de reprendre son rôle de Wedge Antilles. Et il a juste dit non, ça me ferait juste. Finalement, ça m'intéresse pas, ça serait juste plate et ça n'a pas de but. Donc, non, ça m'intéresserait pas du tout. Bon, je sais pas s'il a dit ça parce qu'ils l'ont juste pas approché ou il est trop occupé à pas avoir de carrière, mais je sais pas. Puis il a juste dit non. Mais semble que tu craches pas là-dessus. T'sais, c'est probablement ce qui t'a donné une carrière à Hollywood. Ça a été son premier film. Puis il a vraiment pas eu grand-chose depuis ce temps-là. Mais bon, c'est quand il est comme moi, il est trop occupé à pas avoir de carrière dans rien d'autre, il dit non. Fait que c'est ça. Un homme qui sait mettre les priorités à bonne place. Monsieur lui, là. Ben, qui va faire mon gazon si je passe dans un prochain Star Wars? Ben ouais! Je peux pas faire ça. Fait qu'il est trop occupé à pas avoir de carrière, là, monsieur. Ah, ben oui, ça arrive, hein? Mais tu sais, il y a quand même quelques petites choses. C'est un film aux deux ans, à peu près, je te dirais. Mais c'est sûrement pas des rôles principaux. Non, comme hein? Ça a été. Même dans Star Wars, il n'y avait pas un rôle principal, mais il y a quand même un rôle intéressant. Puis son personnage de Wedge Antilles a eu un rôle beaucoup plus grand dans l'univers étendu qui n'existe plus selon Catherine Kennedy, présidente de Lucasfilm. Moi, je pense que Lucasfilm a enlevé l'univers étendu pour scraper sa job à lui. Ouais, juste il prenait trop de place, puis on voulait pas l'avoir d'impact. Il savait qu'il voudrait pas faire le film, fait qu'on n'a pas voulu s'embourber. Puis là, bon, on pouvait pas le, tu sais, dans l'histoire, s'il était là, on pouvait pas le tasser. Fait qu'on a scrapé l'univers. C'est de sa faute. C'est peut-être. C'est tout de sa faute. Ça vient tout de là. Donc, si vous savez où Dennis reste, allez y péter ses vite. Non, c'est pas vrai. Donc, incitation c'est à la ça. Violence. Il a dit non, c'est un fail. Moi, si demain matin, Catherine Kennedy m'appelle et dit « Hey, Luc, t'aimerais-tu ça jouer dans Star Wars? » Oui. Tu veux-tu faire le rôle d'un Stormtrooper qui va se faire tuer dans le... Oui. Yeah. Dans les premiers 5 secondes, oui, aucun problème avec ça. Tu peux me décapiter en deux si tu veux, ça me dérange pas. Je vais avoir mon nom générique, oui, vas-y, tu peux me tuer tant que tu veux. C'est lui, monsieur, rôle quand même semi-principal. Non, me tente pas, frais plate, non, vraiment pas. Là. Moi, me promener dans un vaisseau avec un casse à la tête, non, m'intéresse pas. Ouais, bon. Regarde, il est plus beau avec un casse à la tête. Je regarde sa photo sur Wikipédia, pas sûr. Mathieu, mais bon. Qu'est-ce que tu disais? Il y a du gosse quand même. Dire non à ça... Il y a des couilles, le gars. Oui. C'est tout ce qu'il y a parce qu'il n'y avait pas d'argent. ça rend flou quand même un petit con. Moi, je vais y aller avec mon fil de la semaine. On va tomber un petit peu plus dans les choses sérieuses. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là de Tomodachi Life, qui est un jeu un peu à la Tamagotchi, genre de personnage que tu contrôles, tu fais vivre sa vie à la manière un peu des Sims, mais genre, plus ouais. cartoonish, là, qui est produit par Nintendo avec les mis des personnes. La question qui a traversé les internets, c'est que quand le jeu a été annoncé ici, il y a des gens qui se sont dit, écoute, il y a plusieurs facettes à la vie amoureuse, il y a surtout plusieurs façons d'être amoureux, il y a plusieurs types de relations, homme-homme, femme-femme, homme-homme, femme-objet, n'importe quoi, n'importe quoi. Peu importe. Donc, il y a des gens ici qui se sont demandé, est-ce qu'on peut faire des mariages homosexuels? Eh bien, la réponse, elle est non dans le jeu, et voici la réponse officielle de Nintendo. On dit « Les options offertes en termes de relations dans le jeu représentent plus une version humoristique et alternative du monde qu'une réelle simulation. Nous espérons que tous nos fans se rendront compte que Tomodachi Life est conçu comme un jeu loufoque et excentrique et que nous n'essayons absolument pas de soulever des questions d'ordre social. » Jusque-là, moi, j'ai pas de problème avec la situation. Tu sais, un jeu qui retrace la vie ne peut pas remplir toutes les options de la vie, donc c'est des choix que tu fais, il y a des choses que tu enlèves, tu vois pas nécessairement tondre ton gazon ou avoir des offres pour aller faire Star Wars pour pouvoir les refuser. Tu sais, des affaires qui arrivent dans la vie, mais que t'auras pas là-dedans. Et les types de mariage, tu sais, on a peut-être simplifié. Puis ça, j'ai pas trop de misère jusqu'à là. Le problème, c'est que il y a un des dirigeants de Nintendo, parce que le jeu a été lancé du côté du Japon, et il y a un bug qui est intervenu, qui est survenu, et le bug permettait d'avoir des mariages entre conjoints de même sexe dans le jeu. Bug qui a été corrigé, et d'ailleurs, les dirigeants là-bas au Japon ont dit « C'était pas supposé, pardonnez-nous, se sont vraiment excusés, on voulait pas de mariage gay dans le jeu. » Là où est-ce que j'ai un problème, c'est que la version nord-américaine du jeu n'en aura pas. Et on a dit dans les médias, on a déclaré que c'était une chose qui était impossible à implémenter dans le jeu. On ne pouvait pas inclure le mariage homosexuel dans le jeu. Le jeu n'était pas conçu pour cela. Là où j'ai de la misère, c'est qu'il y a un bug qui est survenu au Japon où est-ce que ça le permettait. Et là, tu me dis que c'est impossible. Mm-hmm. Ouais. J'ai lu, mais le bug, c'était plus un ce qu'on appelle un exploit. Là, t'exploitais quelque chose dans le code. C'était que tu créais un personnage homme, un personnage femme, puis tu pouvais habiller ou modifier les traits du personnage pour que ça ressemble à un homme et une femme, puis faire un couple gay avec ça. C'est pas vraiment que ça permettait de faire deux personnages hommes, puis vraiment les marier un à l'autre. Là. C'est ce que j'en ai lu. Donc, ils ont patché ce bug-là. Mais c'était pas nécessairement ce que le monde voulait non plus en partant. J'aimerais ça juste pour rajouter Nintendo, ça c'est l'article, la retransmission là, sur jeuxvideo.com, je cite « Nintendo avait alors rapidement corrigé le problème avec un patch dont le descriptif affirmait qu'il permettait d'en finir avec, entre guillemets, de drôles de relations humaines. » On voit que c'était voulu, on voulait pas de ça dans le jeu. Non, c'est sûr. Bon, moi, je pense que c'est clair. C'est quand même Nintendo, ils veulent garder leur image bon enfant, ils veulent pas choquer trop. Mais moi, ce que je trouve un petit peu étrange, c'est que j'ai lu justement par rapport à ça qu'ils se sont excusés de pas être assez inclusifs dans ce jeu-là. Et je trouve que c'est un petit peu un double langage. D'un côté, ils disent une chose, ensuite, il y a une crise médiatique, ils disent autre chose. Ça, je trouve que c'est plate un peu. Donc, c'est correct de vouloir avoir sa propre voix, mais il faut... être conséquente. Puis il y a toujours cette séparation, tu sais, il y a comme une division par pays dans le type de mentalité qu'on présente pour être plus accolé avec les façons de faire locales. Tu sais, au Japon, il y a une mentalité comme ça, ici c'est différent. En Europe, tu sais, il y a toujours des petites modifications sociales, tu sais, c'est pas tout qui est accepté de la même façon. Ça me fait penser au IKEA qui avait le même catalogue à l'international, mais t'arrivais dans les pays arabes, puis toutes les femmes t'effaçaient, tu sais. C'est un peu ça, un message qui à nos yeux, nous, ben, ça ne passe vraiment pas. Et là, ben, veux pas une entreprise internationale se doit d'essayer de plaire à tout le monde. Sauf que tu fais une déclaration d'un bar, ben, aujourd'hui, en 2014, ça se peut que le monde de l'autre côté, il l'entende, tu sais. Je pense que Nintendo, ils ont un petit peu discuté avec le monde moderne, justement. Ils sont dans le passé. J'espère qu'ils vont réussir à mieux se moderniser, disons. Ah, faut qu'ils rebondissent. Ça, c'est clair, parce que cette entreprise-là ne pourra pas assumer des pertes comme elle le fait actuellement très, très longtemps. Va falloir se réinventer, offrir un nouveau produit, quelque chose pour rebondir. Ça, c'est sûr et certain, surtout dans le domaine des consoles de salon. Ouais. Ouais. De toute façon, je pense qu'il y a une bonne chance que ça arrive quand même. Il faut se rappeler que Nintendo, ça n'a pas toujours été super bien. Puis dans le temps de la GameCube, par exemple, c'était assez désastreux. Puis ils ont très bien rebondi un peu après avec la Wii. Fait que bon, c'est peut-être un moment difficile à passer pour eux, mais il faut pas qu'ils se laissent dépasser. C'est comme avec les Windows, une sur deux. Ça va bien une fois sur deux. Ou les Star Trek dans le temps aussi. Aussi. Donc voilà pour les fails de la semaine. C'était nos petits trucs. La semaine passée, on n'avait pas trouvé, mais là, cette semaine, on en avait deux pas pires. Donc ça valait la peine. Maintenant, on y va avec notre entrevue de la semaine avec Mathieu Bégin de Cleaver's Place. Mathieu, dis-nous un peu d'où te vient là, cette passion pour les jeux vidéo puis cette envie de travailler dans le domaine. On repart à la base, dans ton enfance la plus profonde. Ben, en fait, moi, j'ai un cheminement qui est assez unique, je dirais. Je viens pas originalement du monde du jeu vidéo. Moi, j'ai fait des études en sciences, en fait, en biologie, en génétique. J'ai un doctorat là-dedans. J'ai travaillé en recherche. Puis, mais sur le côté, tu sais, depuis que je suis très jeune, que je fais du design de jeu. Je designais mes propres board games quand j'étais jeune. J'étais un gros fan de Donjons et Dragons. Je faisais des campagnes de jeux pour mes joueurs pendant toute ma vie, finalement. C'est que j'avais déjà développé beaucoup de côtés, design de jeu. Puis, à un moment donné, je me suis tanné de ma carrière, simplement. Puis, j'ai eu une belle opportunité. Il y a eu le campus Ubisoft qui s'est ouvert cette année-là à Montréal. Ça, c'était... En fait, c'est une initiative qui venait d'Ubisoft puis qui permettait à plusieurs... cégep et université, de donner des cours dans un même endroit dans le but de former des gens en jeux vidéo. Fait que moi, je suis rentré là-dedans en game design. Puis, ça a très bien été. Après, je suis rentré chez Ubisoft. J'ai travaillé chez Ubisoft pendant 6 ans. J'ai fait plusieurs jeux intéressants quand même. Les franchises Shaun White. J'ai fait Mighty Quest for Epic Loot. Je sais pas si vous avez entendu parler un peu. Oui. Un nouveau jeu... Vos jeux PC free-to-play, en fait, très innovateurs. Donc ça, moi, j'ai designé une grosse partie de ce jeu-là. Puis, il y a eu un moment où c'est que j'étais un peu tanné de faire partie d'une grosse entreprise. J'avais envie, tu sais, de faire mes propres choses parce que, bon, travailler dans une grosse entreprise, c'est assez bon côté et c'est mauvais côté. Évidemment, c'est d'un côté, il y a... énormément de ressources, tu peux faire des choses vraiment qui sont à fine pointe de la technologie, beaucoup de marketing derrière, mais c'est beaucoup plus difficile de faire des choses uniques et puis de pouvoir faire des plus petits projets qui sont un peu plus niches finalement, ce qui moi m'intéresse beaucoup. Oui, il y a souvent du monde qui vont dire dans le domaine du jeu vidéo que il y a du monde qui aime ça travailler sur, mettons, un jeu qui dure 10 ans, puis tu fais juste toi une partie, mettons, tu t'occupes du front du personnage pendant que quelqu'un d'autre fait le restant de la place, puis tu sais, c'est super découpé, puis finalement, t'as pas de vue d'ensemble. Et il y en a d'autres qui, eux, préfèrent de loin mettre la patte à plusieurs niveaux dans le développement, et dans les plus petits projets, c'est plus le cas. Exactement. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que c'est tellement vrai. Moi, j'avais un de mes amis chez Ubisoft, en fait, qui était un designer sonore. Puis il avait travaillé sur Far Cry 2 pendant 3 mois à faire la respiration du personnage. Moi. C'est une histoire vraie. Il faut aimer ça. Ouais. Il faut aimer être un spécialiste chez Ubisoft en général. Puis tu sais, on veut pas rien rabaisser. Il n'y a pas de sous-métier, même dans le domaine du jeu vidéo. Mais on s'entend qu'en termes de motivation, tu sais, quand ça fait 3 semaines que t'es sur le mouvement du torse d'un personnage pour qu'il ait l'air de respirer, jusqu'à quel point ça peut être divertissant puis ça peut être, motivant? Ouais, mais ça, après, je pense que chacun est différent, là. Chacun prend sa motivation là où il veut. Il y a beaucoup, beaucoup de gens chez Ubisoft qui sont aux anges, en fait. Il y a plein de mes amis qui sont chez Ubi, puis que pour eux, en fait, c'est leur job de rêve, puis jamais ils feraient autre chose. Puis ça, je respecte ça, parce que c'est vrai que ça leur permet de faire des jeux qui sont considérés par la planète entière comme étant un peu l'élite du jeu vidéo mondial. Donc ça, je pense que le résultat final pour beaucoup est la motivation. C'est quand tu dis, hey, moi, j'ai fait le nouveau assassin, ben ça pèse lourd quand même, c'est impressionnant. Non, c'est sûr. Puis sur un CV, sur le vécu, tu sais, c'est plus facile. Ben peut-être, je dis plus facile, peut-être pas là, ça dépend là. Mais tu sais, quand tu vas voir le des gens qui connaissent pas le domaine, ben tu sais, des chances qu'ils connaissent Ubisoft sont pas mal plus grandes que les chances qu'ils connaissent quelque chose comme Clever Plays. Là. Ben oui, c'est ça. Je dirais que c'est un des très gros défis en tant que compagnie indépendante, c'est de se faire connaître. Puis d'ailleurs, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui avec vous autres, parce que c'est une opportunité pour moi, justement, de faire parler un petit peu de ma compagnie. Mais oui, c'est très difficile, en fait. Il y a beaucoup de gens, dont moi, qui se disent « Hey, je vais partir de ma compagnie, c'est le fun, j'ai réussi à avoir un petit peu de ressources, j'ai une bonne idée, go, on y va. » Sauf que ce qu'on oublie facilement, c'est que faire le jeu, c'est juste une petite partie de la job. Une des grosses parties, c'est tout ce qui est le mot sale, marketing. L'aspect promotionnel, c'est réussir à se faire connaître à partir de zéro. C'est sûr que si t'es une superstar dans une grosse compagnie, puis tu pars ta compagnie à toi, bon, OK, là, c'est facile. Mais pour des gens normaux, en fait, c'est là qui est le gros défi, en fait. Comment est venue la création de ce studio? Parce que tu nous l'as dit toi-même, tu n'es pas nécessairement originaire de ce domaine-là, c'est plus en bifurquant. Comment t'es venu l'idée de dire « Ben, écoute, je suis rendu que j'ai tous les outils, je pense, pour être en mesure de développer ma propre compagnie. » Oui. Ben, en fait, c'est ça. Moi, j'étais quand même rendu assez senior chez Ubisoft. J'avais vu beaucoup de production, j'avais une bonne idée globale de comment faire un jeu. Puis moi, bon, mon métier premier, c'est designer de jeu, concepteur de jeu. Mais le concepteur de jeu, souvent, il se tient vraiment à un niveau un peu en amont dans la production d'un jeu. C'est toi, tu sais, qui fais un peu le blueprint, le plan de ce qu'on va produire. C'est le designer, en fait, qui est en charge aussi de la validation de tout ce qui se passe. Donc, on a forcément une vue d'ensemble. Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que, justement, ça nous apprend à comprendre l'ensemble de comment tout se produit. Tu peux pas être un game designer puis ignorer le son, ignorer les animations, ignorer le code gameplay, des choses comme ça. Il faut que tu puisses toucher un petit peu à tout. Donc, moi, je me suis dit, ben, je suis rendu avec une bonne compréhension de toutes ces choses-là, malgré que je peux pas les faire moi-même, mais je sais comment tout ça fonctionne. Puis là, j'ai commencé à parler avec des amis. J'ai commencé, en fait, ça a pris un an avant que, c'est du moment où j'ai voulu vraiment enclencher le processus et puis où la compagnie est vraiment partie. Donc, pendant un an, j'ai discuté avec des gens. J'ai été voir plein d'opportunités, trouver du financement, essayer de voir où c'est qu'on pourrait travailler, tout ça. Ça, c'était un énorme travail, évidemment. C'est à moins que t'ailles tout d'un coup, magiquement, mettons, 5 amis, puis que vous couvrez l'ensemble de toutes les professions de jeux vidéo, à moins que ça arrive, ben, il faut que tu trouves ton monde. Ça, c'est un défi en tant que tel. Ça ressemble à quoi l'équipe actuellement chez Clever Plays? Donc, il y a moi qui... moi, je suis le project lead et je joue plusieurs rôles, en fait. Game designer, level designer, je fais un peu de level art aussi. Puis, j'ai deux artistes. Un artiste 3D qui est très spécialiste du pipeline technique. Donc, lui, c'est la personne vraiment qui s'assure que du début à la toute fin, on sait exactement comment produire nos assets. On sait comment intégrer ça dans l'engin. On sait comment gérer les différents, mettons, les FX, les animes relativement au code. Donc, lui, c'est vraiment la personne technique 3D parce que c'est un jeu 3D qu'on fait. Ensuite, j'ai une artiste 2D, c'est une illustratrice, donc elle, c'est moins technique, mais c'est la personne, en fait, qui s'assure que notre jeu est beau, ce qui est très important. Puis, j'ai deux programmeurs généralistes qui touchent vraiment à tout, qui se partagent l'ensemble des tâches de programmation. Puis après ça, j'ai une personne qui est à temps partiel, qui s'occupe de tout ce qui est administration, puis un peu marketing, parce que avoir une compagnie, c'est pas juste faire des jeux avec des amis, c'est aussi être capable de faire ses impôts, c'est être capable de payer les différents contractants qu'on a, c'est payer le loyer, faire toutes ces choses-là, recevoir les appels. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse gérer tous ces aspects-là. Y a-tu des choses, si tu dis vous êtes une petite équipe, y a-tu des choses qu'il faut que tu donnes à contrat que vous ne pouvez pas faire à l'interne, comme je sais pas, la musique ou certains effets ou des choses comme ça, ou vous faites vraiment tout ça à interne, vous autres? La grosse partie qu'on donne à contrat, en fait, c'est tout ce qui est sonore. Donc, on a une entente avec une compagnie montréalaise qui s'appelle Vibe Avenue. C'est deux excellents musiciens qui œuvrent dans le jeu vidéo, en fait, qui font tout, la sonorisation, gameplay, autant que la musique. Donc, on les a contractés, ils travaillent avec nous. On est très satisfaits de leur travail. C'est vraiment le fun, ce qu'ils font. Donc, ça, c'est la principale chose qu'on contracte. Sinon, on a l'intention aussi de probablement contracter pour faire le trailer officiel du jeu. On a fait des petits trailers, on a fait une cinématique d'introduction, on a fait un teaser, mais étant donné qu'on est peu, c'est énormément de temps pour faire un trailer qui a l'air professionnel, puis on n'a pas assez de temps pour faire tout ça, donc on va contracter à ce niveau-là. Okay. Mathieu, si tu me le permets, j'aimerais faire entendre un peu la musique. Vous avez présenté une vidéo, en fait c'est juste une image avec le thème principal avec Xenom Paranoid, et j'aimerais ça le faire entendre. Vraiment, il y a une belle facture, c'est, ça donne le goût de partir à la guerre. On y va? Oui, on y va, go! Paranoid, c'est la chanson thème de Leap of Faith. Ah, c'est bon. Ça donne le goût de partir, comme je disais, partir à la guerre et de se laisser aller avec des batailles épiques. Ils ont fait de la belle job, tes sous-traitants. Salut Len, de notre part, on les remercie. Ça risque de donner une belle aventure, un beau sport auditif aux aventures. Qu'est-ce que vous cherchez? Parce qu'on sent que c'est très sombre, on sent que c'est un peu industriel, on sent que c'est, il y a peut-être un peu de magie en arrière de tout ça. Comment tu donnes un contrat de musique à un externe? Comment tu leur expliques c'est quoi le projet pour que eux, ben, ils captent c'est quoi l'essence du jeu? Puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire vivre côté musical? Oui. C'était quand même un défi, ça, parce que t'as mis en plein le doigt dessus. On a un style qui est quand même pas extrêmement commun. On a choisi de faire un jeu sur la magie dans le monde moderne, avec des influences cyberpunk, un peu de monde un peu dystopique. Il y a pas beaucoup de jeux quand même qui œuvrent là-dedans. D'habitude, quand t'as du cyberpunk, c'est plus sci-fi, c'est plus futuriste. Donc, il y a tout de suite des sonorités qui sont associées à ça. Nous, on voulait pas non plus être dans le futur. Donc, ça, c'était le gros défi, je dirais. On a commencé à faire du brainstorming avec eux. Puis on s'est dit que le côté underground, le côté dark, ça se prêtait bien avec une sonorité un peu métal, pas trop métal, mais c'est quand même une guitare qui frotte, là, qui est quand même solide. Puis avec un petit côté également qui pouvait faire peut-être techno. Dans Paranoid, il n'y a pas beaucoup de techno, mais dans d'autres des musiques, il y en a par contre. Donc c'est un espèce de mélange de tout ça, là, de métal, techno, puis ambiance vraiment un peu... quoi le mot que je cherche, claustrophobique, si on peut dire. Oh, intéressant. Combien d'heures de musique, combien de... Je sais pas si ça compte en heures, mais que vous leur avez commandé? Ça se compte pas vraiment en heures. J'aurais la misère à dire, parce que, bon, tout c'est pas tout fait du tout. Là. Le jeu comporte 8 niveaux. Donc, chaque niveau a sa trame sonore spécifique. Okay. Puis, de la façon que la musique est faite dans notre jeu, c'est pas comme une chanson de 5 minutes. C'est que eux, ils font une musique qui comporte beaucoup de layers différents. Puis après, en enlevant ou en rajoutant des layers, ils peuvent faire beaucoup de variations sur un même thème. Donc, la musique qu'ils livrent, eux, n'est pas forcément très longue pour un niveau. Ça peut être, par exemple, 3 minutes, sauf que ça peut facilement s'étirer à 10, 12 minutes sans qu'on ait du tout l'impression que la répétitivité. Il y a un loop, bon. Et au fil des événements, il arrive tel ennemi, un autre type, la chanson va varier, va se teinter selon les couches que vous leur avez demandées. Oui, disons, à différents endroits, il y a des musiques spécifiques qui vont jouer. Intéressant. Parle-nous un peu justement de ce jeu-là, de ce projet. Est-ce que c'est le premier pour Clever Plays? Oui, c'est notre premier jeu. Puis en fait, je dirais qu'on a quand même été un peu ambitieux. La plupart du temps, quand on lit des commentaires, ben pas des commentaires, excusez, des advice en français. Je perds mes mots. Avertissements? Des conseils. Des conseils. Quand on lit des conseils sur quoi faire quand on commence une compagnie, on entend toujours, faites un jeu très simple, très rapide, juste pour passer à travers l'ensemble du processus. Vous donnez du vécu. Après, les prochains jeux vont être meilleurs et tout. Nous, on s'est dit, comme tout le monde, oh non, on est capable, nous. Nous on va voir si c'est le cas, mais c'est ça qu'on essaie. Donc, on a tout de suite voulu faire un jeu qui est plus ambitieux, qui est intéressant. En fait, je dirais que la réflexion première qu'on a fait quand on a choisi quel jeu on allait faire, c'est que on voulait trouver une plateforme sur laquelle il y a clairement un trou, qu'il y a une absence en fait de jeux qui pourraient plaire à un public. Puis, ce qu'on s'est dit, c'est que les tablettes, c'est-à-dire les iPads ou les tablettes Android, tout ça, correspondait bien à ça. Donc, si on prend les téléphones mobiles, par exemple, il y a énormément de jeux qui plaisent au public cible sur téléphone mobile. Même chose sur PC ou sur console. Par contre, sur tablette, t'as presque juste des jeux qui sont des ports de jeux de téléphone. Mais les tablettes sont pas du tout utilisées comme les téléphones. Évidemment, tu les as pas dans ta poche pendant la journée, puis tu joues à ça plus dans ton lit ou sur le divan. C'est moins mobile, un petit peu. Oui, exact. Donc, on s'est dit on allait faire un jeu pour ça. Puis l'autre chose qui manque énormément, moi, étant Ubi, en fait, je connais plein de gens qui ont un iPad puis qui cherchent désespérément à chaque vendredi soir, quand Apple update leur App Store, ils cherchent un jeu pour gamer. Puis il y en a tellement pas beaucoup. Récemment, il y en a certains qui sont sortis qui sont vraiment excellents, comme Hearthstone, FTL, des jeux comme ça. Mais il y en a très peu. Puis il y a surtout très peu de jeux d'action. Donc, nous, on s'est dit, c'est ça notre créneau, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire vivre aux joueurs une expérience de jeu d'action avec des bons contrôles qui sont aussi intéressants que ce qu'on peut trouver sur PC, mais ça sur une tablette. Donc, c'est un peu l'ADN là, du premier projet de Clever Plays. Dans le futur, ben, si les choses marchent bien, on fera d'autres choses, on verra, mais actuellement, c'est ce qu'on vise. Quand vous avez brainstormé pour pondre Leap of Faith là, et décider que c'était celui-là, combien d'autres projets vous avez, avec lesquels vous avez jonglé? Est-ce que ça se calcule ou c'est vraiment plus des parcelles d'idées puis tu dis, ah, ça sera peut-être dans un autre jeu? C'est dur à répondre à ça parce que ça a été un raisonnement sur une année. Et je dirais que très tôt, il y a eu une idée qui a germé. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le jeu The Binding of Isaac. Oui. Un jeu sur PC. C'est un jeu quand même assez niche que, bon, pas tout le monde qui connaît, mais que, en général, les gens qui connaissent ça, ils l'aiment vraiment. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès dans sa niche. Donc, c'est un jeu qu'on appelle un roguelike. Un roguelike, c'est c'est défini par étant un jeu dans lequel tu as une seule vie. Dès que tu meurs, tu dois recommencer. Puis à chaque fois que tu joues, le jeu régénère aléatoirement l'ensemble des niveaux, des événements. Donc, c'est des jeux qui ont énormément de rejouabilité puis qui font que tu peux jouer vraiment des mois et des mois à ce jeu-là sans tanner, finalement. Donc, très tôt, on est parti sur l'idée d'essayer de faire un roguelike puis d'aller dans cette direction-là. Après, on a exploré plein de choses, mais je dirais que c'est pas qu'on a eu plein d'idées de jeux différentes, c'est qu'on a itéré beaucoup sur l'idée de base, puis on a essayé de trouver notre niche là-dedans jusqu'à arriver au thème justement de la magie dans le monde moderne et de ces choses-là. Ça a pris peut-être un bon 6 mois avant qu'on s'enligne sur l'idée, puis les 6 mois suivants, on a raffiné l'idée et puis on a continué le design. Qui dit magie dit amélioration des capacités, un peu de style RPG. Ça semble être un mix de beaucoup de choses, des ressemblances d'ailleurs, des mécaniques d'ailleurs. Est-ce que le tout, le jello va pogner? J'espère bien, mais je pense que oui en fait. Moi, je suis un fan de jeux RPG. Qui dit RPG dit d'habitude un skill tree, pardonnez mon anglais. Mais donc, c'est le concept de plein d'habilités possibles, mais il faut que je fasse des choix sur lesquels je vais choisir de prendre pour développer mon personnage. Puis nous, on s'est dit, comment on peut prendre ce concept-là puis le passer dans la moulinette du concept roguelike, donc génération aléatoire. Puis ça a été un petit peu... un coup de foot pour nous de pondre ce concept-là. C'est-à-dire que nous, dans notre jeu, il existe, en fait, on a trois skill trees différents pour trois types d'habilités dont dispose le personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que le joueur joue, il y a une relation différente entre les habilités dans l'arborescence de pouvoir. Donc, à chaque partie, tu peux pas te dire, ah oui, moi, je sais que le build optimal de ce jeu-là, c'est tel pouvoir. Tu peux pas te dire ça parce qu'à chaque fois, ça change. Donc, tu es obligé de t'adapter puis d'apprendre à utiliser ce dont tu disposes cette fois-ci. Donc, encore là, ça augmente énormément la rejouabilité. Puis, je pense que c'est positif parce que c'est toujours le petit aspect découverte et surprise à chaque partie. T'sais, Mathieu, je regarde des images du jeu sur votre site, puis je trouve les graphismes vraiment super intéressants. Ça ressemble à The Walking Dead et Wolf Among Us, un peu dans les graphismes. Ouais, c'est ça, je te disais, un peu cel-shading, ça me faisait penser peut-être un petit peu à ce que Borderlands peut être, quelque chose comme ça, selon les graphismes et tout ça. Je trouve ça très beau. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller vers des graphismes comme ça? C'est-tu pour donner un look, je sais pas, c'est plus bande dessinée ou quelque chose comme ça, ou c'est pour alléger peut-être la carte graphique vu que vous êtes quand même sur mobile, puis ça va vous donner la chance de faire plus avec la mémoire ailleurs que tu utilises, c'est vraiment du plein HD comme certains essayent de faire, ou c'est quoi le but de choisir ce type de graphique-là qui, en passant, comme je disais au début, je trouve vraiment superbe là. Ah, merci, c'est super gentil. Mais je dirais que t'es pas mal tombé pile dessus, félicitations. Fait qu'il y a vraiment deux raisons pour qu'on a choisi ça. La première, c'est que oui, on a une grosse influence bande dessinée. Tout le monde sur l'équipe, on a toujours lu des comic books de tout type. Puis donc, l'aspect dessin, pour nous, est très important, puis on essaie de le montrer là-dedans. On a d'ailleurs une cinématique d'introduction, puis on a développé d'autres cinématiques aussi qui sont toutes faites en dessin. Donc des planches dessinées qui sont un peu animées. Donc ça, c'était la première raison. Puis la deuxième, c'est une raison technique aussi. C'est que, en fait, le 3D, c'est un gros danger, en fait. Si tu fais du 3D de mauvaise qualité, c'est vraiment affreux, c'est terrible. Le 2D, d'habitude, tu peux faire passer n'importe quoi. Tu peux avoir un petit sprite qui fait juste une anime de « j'ai un bras en l'air, j'ai un bras en bas », puis ça a l'air super beau. Tout le monde dit « oh wow, il est beau le jeu ». Mais tu peux pas avoir ça avec le 3D. Il faut vraiment que ça soit réaliste, il faut que les mouvements soient fluides, il faut que tu aies assez de polygones pour avoir une bonne définition de tes objets. Et donc, ça pardonne pas le 3D. Au départ, on était parti avec une direction artistique qui était beaucoup plus réaliste. Puis on s'est rendu compte très vite qu'avec la petite équipe qu'on a, puis le peu de temps qu'on a, on n'arrivait pas à monter la qualité du 3D assez haute pour que ça paraisse parfait. Donc, on s'est dit, on peut pas inventer du temps. Là. On n'a pas assez de temps juste pour se rendre là. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre des techniques pour styliser le graphisme. Parce que tout de suite, quand tu stylises des visuels dans un jeu, le cerveau, on dirait qu'il change de mode. Puis au lieu de dire, est-ce que c'est réaliste? Il dit, c'est le fun, ce style-là. Puis donc, c'est un peu pour ça qu'on est allé avec le cel-shading. En fait, ben le outline, puis bon, avoir des ombres avec des petits croisés au sol qui rappellent un peu les coups de crayon. Donc, c'est un peu un truc de compagnie indie, si on veut. Mais c'est aussi parce que, entre autres, notre artiste 3D, Johan, il est un gros, gros fan de Borderlands. Donc, il était super excité à l'idée d'aller vers ça. Puis oui, c'est les artistes, en fait, qui ont décidé d'amener le style. Ouais, ça donne un peu à la Paper Mario, un environnement qui est 3D, mais des personnages ou des objets ont l'air d'être un peu en 2D, ça efface un peu la profondeur, donc ça permet de sauver aussi des ressources matérielles et physiques dans le jeu, puis de répartir ailleurs. Et aussi, tu parlais de style graphique versus le réalisme, puis que le cerveau, il change de catégorie, là. Je vois ça, entre autres, un jeu comme Mirror's Edge, où est-ce que on a décidé d'y aller avec une esthétique tellement particulière que le jeu, oui, commence à dater, mais ne se démode pas. Tandis que le réalisme, ben, veut pas, avec l'avancée dans le temps, on améliore toujours ce qui est censé être réaliste. Et quand on regarde dans le passé, les anciens jeux, ben, on fait comme, ouais, OK, ça commence à vieillir. Ouais, exactement. Mais c'est assez intéressant, moi, je trouve, ce concept-là de qu'est-ce qui fait qu'on trouve un jeu beau ou pas? Tu sais, tu regardes, il y a une grosse mode depuis quelques années déjà de faire des jeux en pixel art ou style très rétro. Puis quand tu regardes techniquement ces jeux-là, c'est vraiment très, très de base. C'est souvent, c'est même mal, ben, souvent pas très bien fait. Tu peux, tu sais, si tu l'analyses, tu dis, bon, c'est facile, n'importe qui pourrait faire ça. Mais pourtant, on trouve ça beau. T'sais, moi-même, il y a plein de jeux pixel art que je trouve vraiment incroyables. Il y en a un nouveau, justement, qui est en développement, qui s'appelle Hyper Light Drifter. Je sais pas si vous connaissez, un jeu indie aussi, un pixel art, vraiment cool. Je trouve ça fantastique comment c'est beau, mais pourtant, techniquement, c'est rien. Puis, c'est quelque chose de vraiment étrange. Puis oui, comme tu dis, quand tu regardes des jeux, mettons, de la dernière génération de consoles, des jeux qui, à leur époque, étaient vraiment à fine pointe de la technologie, puis qui avaient du réalisme incroyable, aujourd'hui, tu les regardes, tu dis, c'est vraiment laid, ça a mal vieilli. Puis je pense que c'est directement relié, justement. C'est un peu le concept de la Uncanny Valley aussi, qui est le concept selon lequel, quand tu essaies de faire du réalisme, s'il te manque un petit peu de réalisme, tout de suite, au lieu d'être presque parfait, ça va être vraiment bizarre. Donc, c'est vraiment un créneau qui est difficile. C'est pour ça, en fait, que les grosses compagnies AAA, souvent, sont les seules qui vont dans le full 3D hyper réaliste, parce que c'est les seules qui ont les ressources vraiment pour pouvoir le faire. Le budget, puis les outils, puis tout ça, puis le monde pour travailler là-dessus, parce que plus tu veux aller dans le réalisme, plus ça va te prendre de manpower ou de gens pour travailler là-dessus, pour faire des petites parties chacun, tandis que vous autres, ben vous êtes une petite équipe, vous avez moins de temps puis moins de ressources. Mais tu sais, je regardais ça, je trouvais ça vraiment, comme je disais, je trouve ça vraiment magnifique. Puis quand j'en parlais justement avant qu'on fasse l'entrevue, c'est que la semaine passée, quand on a fini l'autre show, je parlais justement à Jean-Benoît, hey, tu disais que Dennis Lawson avait des couilles pour avoir dit non à Star Wars. Je trouve que ça prend des couilles pour décider d'aller avec un jeu comme ça quand c'est ton premier jeu, quand tu peux faire un jeu en théorie 8 bits qui va aller chercher la fibre plus nostalgique des gamers que ça va les satisfaire, tu sais, que d'essayer quelque chose de vraiment pété comme ça. Fait que vraiment, félicitations pour vos couilles en bronze, mettons, si je pourrais dire. C'est quelque chose que... On est très fiers de faire ça, puis on ferait rien d'autre, mais des fois, on se pose des questions. Comme, je sais pas si vous avez suivi un peu la saga de Flappy Bird sur les téléphones mobiles. Oui. C'est Flappy Bird, c'était un jeu qu'un jeune Vietnamien avait sorti qui a eu un succès monstre, malgré que c'était une petite niaiserie, le jeu. C'est un jeu hyper difficile, mais vraiment, tu fais juste peser pour que ton oiseau il touche pas des tuyaux. C'est vraiment presque rien, mais pourtant ça a pogné incroyablement beaucoup. Puis le développeur, en fait, il a retiré son jeu du App Store pour des raisons qu'il n'a pas vraiment expliquées. Je pense qu'il a eu de la difficulté avec la gloire et tout ça. Il va avoir des poursuites un peu dans l'air aussi. Oui, peut-être. Mais ce qui est drôle, c'est que la semaine suivante, ou juste, bon, je sais pas si c'est la semaine, mais en tout cas dans les temps qui ont suivi, il y a plein de développeurs qui ont fait des clones de Flappy Bird. Puis c'est fou parce que tu pouvais même, quand tu suis les forums en fait de développement de jeux, tu avais plein d'annonces des gens qui disaient « Ah, je vais engager un prog et un artiste pour une semaine pour faire un clone de Flappy Bird ». Puis donc, tu as vraiment une communauté de gens qui font des jeux littéralement en 2 semaines pour téléphone. Puis si tu es chanceux, en fait, ça marche. Puis tu peux faire beaucoup d'argent avec ça. Mm-hmm. Nous, on regarde en fait ce qu'on fait. Puis on dit, waouh, nous, c'est un truc d'un an où on met toute notre énergie, toute notre effort. Fait que des fois, disons qu'il faut qu'on ait la foi. Mais heureusement, on croit en notre projet. On pense qu'il est bon. Mais la quantité d'effort n'est pas toujours... égal avec le potentiel de revenus qui vient avec, mais bon. Je pense que c'est Simon Darvaux de Spirit Games qui nous disait, dans le domaine du mobile, il y a des gens avec des bonnes idées, puis ça, il y en a un certain nombre qui est assez restreint, mais il y a aussi d'excellents copieurs d'idées, et ça, il y en a un nombre effarant sur le net et sur la planète, et c'est ce qu'on a vu, c'est le phénomène avec les Flappy Bird, avec tout ce qui s'est vu comme concept qui a explosé sur, entre autres, les plateformes mobiles qui ont été copiées. Puis là, ben, tu te remontes, tu as à peu près 22 000 clones disponibles sur l'App Store, puis pige là-dedans, tu sais. Oui, exact. Mais nous, ça, c'est quelque chose qui nous fait rire un peu parce que souvent, moi, bon, j'ai pas de difficulté à juste parler de mon jeu puis même révéler des choses pendant le développement. J'entends des gens souvent qui me disent « Hey, parle-en pas trop, tu sais, tu gardes ça, pas anonyme, mais... » je ne trouve pas le mot, mais révèle pas trop sur ton jeu. Mais ça me fait tellement rire parce que c'est impossible qu'on se fasse copier. Il n'y a pas un développeur mobile qui va dire hey, on va copier un jeu qui prend un an à faire, à travailler comme des fous. Fait qu'on, je pense qu'on est relativement à l'abri de ça. L'ambition, hein, ça fait qu'il y, y a du monde qui ont peur de copier. Mais tant mieux, c'est une belle protection, c'est une belle façon de se protéger. Moi, j'avais une question pour toi, Mathieu. On sait ces tablettes, ce qui est vraiment difficile normalement, c'est contrôler ton personnage. Vous avez réglé le problème comment? Ça, je dirais que ça a été notre premier gros breakthrough. En fait, quand je vous racontais un peu comment on avait pensé à notre idée de jeu, mais évidemment, quand on dit « je vais faire un jeu sur mobile », puis un jeu de pour gamer avec vraiment un gameplay poussé. La première chose, évidemment, qui vient à l'esprit, c'est OK, comment on contrôle ça? Donc, nous, il n'était pas question qu'on s'avance plus dans ce domaine-là tant qu'on n'aurait pas des contrôles vraiment satisfaisants. Puis, malheureusement, ou peut-être heureusement pour nous, sur mobile, il y a très, très peu de cas de bons contrôles action. En fait, sur mobile, il y a plein de bons contrôles. Par exemple, tu sais, de pouvoir taper avec ton doigt ou faire un petit swipe et tout ça, qui sont très, très appropriés pour des jeux plus casual, plus lents, ou par exemple des tactical RPG où ça va très bien juste pointer. Mais quasiment 99,9% des jeux mobiles d'action ont vraiment des contrôles que moi, je juge assez merdiques, en fait, puis qui ne me donnent pas le goût d'y jouer. Donc, nous, on a vraiment voulu pousser cet aspect-là très loin. Je dirais qu'on a passé le premier 3 mois solide à faire beaucoup de prototypage sur nos contrôles. Puis c'est quelque chose qui est vraiment pas évident parce qu'évidemment, on n'a pas de bouton. Hein. Y a plein de choses qu'on peut faire pour avoir des contrôles, mais le joueur, comme avec son pouce, il n'y a pas de contact avec un bouton, avec un D-pad ou quoi que ce soit, il ne sait jamais s'il est à la bonne place pour appuyer ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez difficile à faire. Nous, on est arrivé avec notre propre solution. C'est un petit peu difficile d'expliquer comme ça en parole à la radio. Il faut le voir puis l'essayer pour le comprendre. Mais grosso modo, on a un système qui s'inspire du dual stick shooter, c'est-à-dire que tu as un pouce qui sert à déterminer ton déplacement, un pouce qui sert à déterminer ta direction de tir. Et puis, on a deux boutons, un bouton qui sert au pouvoir offensif, un bouton qui sert au pouvoir de déplacement, de shadow walk, qu'on appelle. Puis donc, avec tout ça, ça nous donne vraiment un contrôle qui est vraiment très, très précis. Moi, une de mes grandes inspirations au niveau contrôle et gameplay, c'est le jeu League of Legends. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui est extrêmement populaire. C'est à peine connu. Ça commence à percer, là. Ça lève tranquillement. Oui, comment ça? C'est absolument gigantesque. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé dans League of Legends, c'est justement les contrôles. T'as une précision incroyable de où tu veux déclencher tes habilités, comment tu bouges et tout. Puis c'est un petit peu ça que j'ai essayé de répliquer. Évidemment, on n'est pas sur PC, on n'a pas une souris dans les mains, donc ça ne peut jamais être aussi précis. Mais je pense qu'on a atteint quelque chose qui est extrêmement satisfaisant pour tablette. D'ailleurs, tu viens de dire que ce ne sera jamais aussi précis que sur PC. Votre jeu va être disponible aussi sur PC, donc faut le penser de deux façons. Là. Vous doublez la job. Est-ce que c'est vraiment une problématique ou sur PC, c'est tellement plus facile que tu sais, easy going, là, c'est une promenade dans le parc? Ben oui, c'est beaucoup plus facile sur PC, ça y a aucun doute. À plusieurs niveaux d'ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est que on s'est toujours assuré depuis le début que le jeu soit bon sur les deux, nos deux consoles, ben nos deux plateformes de base. On veut aussi le porter sur quelques autres plateformes, mais il va principalement être bon mobile et PC. Je dirais que oui, il y a beaucoup de challenges à développer multiplateforme, surtout quand on développe sur des plateformes comme le mobile. Évidemment, il y a certaines tablettes récentes qui ont beaucoup de puissance. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas là, qui ont acheté une tablette il y a, mettons, 2 ans. Puis eux ont des capacités qui sont vraiment très basses parce que les tablettes sont tellement en croissance exponentielle ce temps-ci que juste une génération de tablettes, c'est fou comment ça augmente les capacités de la machine. Donc ça, oui, c'est un gros défi. Je dirais que c'est beaucoup au niveau de l'optimisation graphique que ça joue. Par exemple, quand d'un côté, tu as un PC où c'est que les gens peuvent on peut s'attendre à ce que tout le monde ait 4 gigs de RAM sur leur PC. Puis ça, c'est, on parle d'un PC très, très standard. Sur mobile, c'est vraiment pas le cas. Il y a beaucoup de tablettes qui ont juste 500 MB de RAM. Donc, évidemment, ça diminue énormément ce qu'on peut faire avec ça. Des choses comme mettre des ombres dynamiques, avoir des menus qui sont très volumineux, avoir plein de choses comme ça. Ben, forcément, il faut faire des grosses coupures. Il faut trouver, en fait, des trucs pour que le jeu reste quand même assez beau, mais qu'on puisse, qu'on puisse réussir à rouler sur ces machines-là, en fait. Puis actuellement, ça, c'est un gros travail qu'on a fait. Puis bon, vous pouvez voir par vous-même là, notre vidéo in-game et tout. On a quand même réussi à avoir une qualité visuelle qui est quand même là, mais on roule sur presque tout. Ça, on a fait beaucoup, beaucoup d'optimisation, puis on en est vraiment fiers. On est même capable de rouler sur un iPhone qui date de la fin 2011, un iPhone 4S. Donc, on roule sur ça à 35 secondes. Puis au début, on n'y croyait pas, mais finalement, on a réussi. Donc, bon, tout est possible, mais il ne faut pas avoir peur de trouver des solutions intelligentes pour réussir ça. Là, vous sortez sur PC, vous sortez sur tablette. Pensez-vous couvrir toutes les OS de tablettes qui sont présentement sur le marché? Là, je parle des trois majeurs comme Windows, puis aussi le Android, puis iOS. Ben, iOS, j'imagine, vous n'avez pas vraiment le choix, mais Android, puis Windows, les tablettes Windows aussi? Évidemment, on sort sur iOS en premier. Après, on a des plans pour tout porter ça sur Android. Windows, j'avoue qu'on ne sait pas encore, parce que au niveau des jeux sur Windows, c'est très peu développé. Il n'y a pas encore beaucoup de services à ce niveau-là. Donc, on va peut-être le faire, mais c'est pas encore dans nos plans. Je dirais que la grosse difficulté, en fait, porter sur Android, c'est extrêmement facile. Android, c'est immensément plus facile de développer sur ça que sur iOS. Parce que iOS, il y a toutes sortes de protections puis de choses qui font que, bon, c'est très compliqué. Donc, nous, on peut actuellement faire un build Android, aucun problème. Mais là où c'est difficile avec Android, c'est que, contrairement à Apple, tu as littéralement des milliers de téléphones différents qui roulent Android, avec toutes des specs différentes, des cartes graphiques différentes, des processeurs différents. Donc, réussir à faire un contrôle de la qualité adéquat pour sortir sur Android, c'est un gros défi. Au contraire, sur Apple, nous, tu vois, là, il y a environ 3 semaines, j'étais allé faire le tour de mes amis, de ma famille, puis je me suis ramassé avec 4 modèles d'iPad différents, puis je couvrais tout ce qui existe. Mais jamais je peux faire ça sur Android pour faire un contrôle de la qualité par nous-mêmes. Ah non, c'est clair. Donc, ça, c'est un défi, puis ça va nous forcer d'ailleurs un peu plus tard à contracter une agence de Q&A technique pour le réussir. OK. Là, on a parlé du jeu pas mal en long et en large. Dans quel horizon on peut s'attendre d'être en mesure de jouer? Puisque vous avez parlé d'un an de développement, mais on n'a pas statué la date de début, donc on ne sait pas la date de fin. Là. On a commencé vraiment à l'automne 2013. Donc, ce qu'on vise, nous, c'est d'avoir... premièrement, on va sortir sur iOS, puis on va faire ce qu'on appelle un soft launch. C'est-à-dire qu'on va sortir seulement dans 1 ou 2 pays pour commencer à tester. Probablement le Canada, peut-être Nouvelle-Zélande ou Scandinavie. C'est une stratégie assez standard, en fait, pour tester le marché, parce que c'est des marchés anglophones qui ressemblent beaucoup au marché américain. Donc, on peut tout de suite avoir un bon feedback et pouvoir s'adapter si c'est nécessaire. Donc, on va faire notre soft launch vers peut-être le mois d'août environ. Puis là, on va prendre peut-être 2 mois pour tester tout ça, pour améliorer les choses. Et puis, on espère vers environ octobre pouvoir être sur l'App Store. Évidemment, ça, c'est les dates qu'on aimerait viser. On va voir si on réussit à respecter l'échéancier, mais jusqu'à maintenant, on est bien aligné. Ben, de toute façon, on préfère un retard pour les bonnes raisons pour finir le jeu que d'arriver à temps puis que finalement, il y ait des pépins. C'est habituellement plus gagnant de même. Oui, exactement. Je veux qu'on parle un peu de financement de ce programme-là, de ce jeu. Comment vous allez le distribuer pour les gens? Est-ce que ce sera un free-to-play, une formule qui est très populaire sur les plateformes mobiles, où on va demander un certain montant pour avoir accès là, au jeu? Oui. Ben ça, j'avoue que c'est un sujet assez... assez d'actualité. On n'a pas encore décidé, bien honnêtement. On a deux modèles qui pourraient très bien fonctionner, puis on ne sait pas encore qu'est-ce qui est mieux de faire. Bon, il y a plusieurs raisons à tout ça, puis je veux pas tout divulguer ces choses-là, mais en fait, on va peut-être aller free-to-play, mais fait d'une façon qui respecte les gamers. Parce qu'en fait, moi, je pense que le marché actuel du free-to-play nous montre deux choses. Il nous montre que tu as des joueurs casual qui, eux, n'ont aucun problème avec des mécaniques genre d'énergie où on dit « joue 5 minutes au jeu, puis après 5 minutes, tu peux plus jouer ». Puis tu dois payer si tu veux continuer ou bien reviens demain. En général, les joueurs casual, pour des petits jeux de téléphone, n'ont aucun problème avec ça, puis ça monétise très bien. Par contre, les gamers détestent ça à fond. C'est comme quand un gamer a le goût de jouer à un jeu, la pire chose que tu peux faire, c'est dire « Ah, non, tu peux plus jouer. » Ça, ça tue. Puis de l'autre côté, je dirais que les jeux les plus populaires au monde actuellement pour les gamers hardcore, c'est presque tous des free-to-play. On parle des League of Legends, des Dota, des World of Tanks, des jeux comme ça. C'est des jeux qui attirent justement des hardcore gamers, puis ces gens-là n'ont aucun souci avec le fait que ce soit free-to-play. Donc nous, on envisage d'avoir une stratégie comme ça. Mais il y a évidemment il y a plusieurs difficultés. C'est beaucoup plus demandant de maintenir un jeu free-to-play parce que bon, t'as les opérations toujours, il faut que ton jeu il roule. Tu peux pas juste dire ok, tiens le jeu, voilà, c'est fini, je commence mon prochain, parce que ça devient un service, c'est plus juste de faire le jeu. Donc ça, c'est un questionnement qu'on a actuellement. D'un autre côté, on pourrait y aller avec un modèle premium, donc vendre le jeu pour un certain prix, puis ensuite, on n'y touche plus. Ce qui est aussi intéressant, ce qui est sur Steam, par exemple, est beaucoup plus standard. Mais bon, il y a aussi d'autres soucis avec ça. Sur mobile, entre autres, si tu fais un jeu premium, c'est très difficile de demander plus que 5 $, 7 $. Puis je vous laisse faire les calculs, mais il faut que tu en vendes en titi des jeux pour faire de l'argent quand tu vends ton jeu 3 ou 5 $. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est... Bon, on n'est pas sûr encore qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je vous ai révélé plein de secrets. Ah, mais on le dira pas. Ça reste entre nous autres. c'est l'affaire la plus dure, décider qu'est-ce que tu vas aller. J'aurais une idée, mais tu vois une image où il y a une bataille, puis dans le fond, c'est marqué pizza. Vendez de la publicité à Domino's ou à Pizza Hut, puis mettez ça dans votre jeu, puis mettez le jeu free-to-play. Non, mais tu ris, mais ça me fait mal au cœur ce que tu dis, parce que j'ai fait le jeu chez Ubisoft. On a fait le jeu Shaun White Skateboarding sur la Wii. Puis une des façons de financer le jeu, c'est qu'ils ont fait un deal justement avec, je pense que c'est Arby's, c'est une chaîne de restauration rapide américaine. Puis nos niveaux étaient tapissés d'annonces de Arby's, puis c'était triste. Ouais, je me rappelle, entre autres, Need for Speed Underground, où est-ce que tu avais des Burger King, puis tu avais une autre entreprise. C'était les seuls bassistes que tu étais capable de reconnaître. Les autres, c'était tout comme anonyme. Tu voyais que c'était des magasins, mais c'était les seules grosses pancartes avec le nom placardé. Là, tu fais comme... il doit avoir une commandite. Tu roules, puis toutes les bâtisses, c'est des gros pixels, puis t'as des bâtisses en HD, Burger King. Splinter Cell Vegas 1 et 2 que Ubi a fait. Ça, ils l'ont très bien réussi parce que c'est un jeu qui est réaliste. Ça se passe à Las Vegas. C'est une escouade antiterroriste à Las Vegas. Puis là, il y avait justement des noms de compagnies tapissés partout. Mais c'est parfaitement normal. Tu t'attends à ça quand tu regardes une scène qui se passe à Las Vegas. Avec eux, ils l'ont très bien fait. Dans un monde cartoon comme le Shaun White Skateboarding, ça marche pas. Non, c'est ça. C'est là-dessus qu'on va mettre fin à notre entrevue. J'espère que ça n'a pas trop fait mal, Mathieu. Oh non, c'était bien le fun. T'as survécu? Merci beaucoup. Hein. Ben, écoute, c'est un plaisir que tu nous as fait d'accepter notre invitation. Quand le jeu sera sorti, on t'invite à nous rejoindre, revenir faire un petit tour. On va pouvoir en jaser plus en profondeur en ayant tous les paramètres. Aussi, quand vous aurez d'autres trucs en développement, on veut le savoir et on veut pouvoir le partager à nos auditeurs. L'invitation t'est lancée et j'espère que la balle maintenant qu'elle est dans ton camp, elle va nous revenir. All right, ben certainement, je vais faire ça. Puis je tiens à vous remercier beaucoup de me donner l'opportunité de parler de la compagnie du jeu. C'est très apprécié. Puis vous êtes bien sympathique, fait que ça s'est bien passé. Bon, ben tant mieux. Merci beaucoup, Mathieu. All right. Merci, Mathieu. Nous autres, avant de compléter l'émission de cette semaine, on a un concours qui roule depuis déjà belle lurette. Il est tellement vieux qu'il a rendu qu'il a du poil au menton puis il a fait toutes ses dents. Hein? Ben, c'est un boulamite. Notre concours, grâce à la gang de Tribute Games qui nous ont offert 4 clés pour le jeu Mercenary Kings sur la version PC sur Steam. Ces 4 clés-là, on veut vous les faire gagner. Et le concours, ben, c'était assez simple. Il fallait passer par notre adresse courriel. On s'était un petit bonjour pour un merci. Un merci. Et vous deveniez finaliste. C'était aussi simple que ça. Et on a plusieurs participants. Et là, ben, on va y aller avec la technique habituelle, le site random.org pour sortir les numéros aléatoirement. Moi, j'ai la liste des finalistes et Luc, toi, t'as le Python Generate et tu vas sortir chacun des chiffres et on va vous mentionner le nom des gagnants et on va communiquer avec ceux-ci via courriel pour pouvoir leur envoyer leur clé de jeu. Donc, je t'invite à y aller pour la première personne. Le premier et le numéro 2. Félicitations à Yannick Bourdon qui remporte une clé de Mercenary Kings. Je pensais que tu allais dire à Yannick Belzil, coudonc, il participe à notre concours puis c'est son propre jeu. Ah, ça aurait été tellement drôle. Bon, mais non, ce n'est pas lui. D'ailleurs, on le salue, Yannick Belzil, lui et sa gang de Trois-Bières qui ont célébré leur 100e en fin de semaine, qui était venu sur le show pour parler de Mercenary Kings, lui qui était au texte pour le jeu. Bon, deuxième, vas-y. Numéro 5. Francis Gingras, un vieux de la vieille sur le show qui nous écoute depuis les tout débuts. On le salue et félicitations, tu remportes une clé. OK, troisième, numéro 6. Oh, notre auditeur français, on a eu le bonheur, le plaisir d'apprendre que l'autre côté de l'Atlantique, il y avait des gens qui nous écoutaient, dont Michael Kidjada. J'espère que je le dis comme il faut. De toute façon, en voyant Michael, par écrit, ça sonne tout le temps bien. C'est toujours correct. Donc, Michael, avec qui j'ai eu une jasette sur le podcasting, puis les différences Europe, Québec, la façon d'aborder le domaine du jeu vidéo, je le salue et je vais lui envoyer sa clé le plus rapidement possible. Félicitations, Michael. Félicitations à notre auditeur français. Ouais, peut-être le seul, qui sait. OK, et le dernier va être le numéro 4. Numéro 4, Dan Rousseau, donc, qui remporte la 4e et dernière clé. Donc, voilà pour nos gagnants de notre concours Mercenary Kings grâce à Tribute Games. Tous les gagnants vont être contactés via leur courriel. Et ben, à une prochaine fois pour un autre concours. On ne sait pas quand est-ce que ça sera, mais éventuellement, on aura d'autres choses à vous faire gagner. Et à un moment donné. Là-dessus, Luc, je te demanderais, mais où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? C'est le temps des plugs. Ben, sur les Twitter, vous pouvez me rejoindre à Scalazormo. Il y a aussi, j'écris pour Kijiji sur l'automobile, donc vous pouvez me lire à fr.kijijiblog.ca. Puis il y a aussi l'autre podcast qui est le podcast auto. Puis je vais juste vous rappeler, parce que je me suis rappelé de ça l'autre jour pendant que je m'en allais en auto, que j'avais un podcast qui s'appelait Histoire de Gamer. Dans puis le même temps, si là. C'est plus, ouais, puis même si c'est plus live aujourd'hui, s'il y a des gens qui connaissent pas ça, ben c'est peut-être intéressant. Pas nécessairement pour l'animateur, mais pour les gens qui ont été invités. Il y a des invités de Marc aussi, puis d'autres qui s'appellent pas Marc. Puis que c'était quand même très intéressant. T'es tellement cave. C'est ça. c'est vraiment tellement moi, je trouvais intéressant parce que il y a des gens qui s'ouvraient là-dedans et qui nous donnaient vraiment des détails sur leur histoire de gamer. Ils se montraient les intestins, le cœur, les organes, tout ça, tout, ils s'ouvraient tout, tout. À fond. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Il y a en tout 22 épisodes avec des invités différents. Donc, c'est d'après moi intéressant. C'est à vous de décider. Ah, ben oui, moi, j'étais un grand fan. Et un invité. Ouais, aussi. Ouais, je vous dirais de skipper le numéro 13. C'était pas écœurant. Puis toi, Jean-Benoît, où est-ce qu'on peut te rejoindre, mon petit? Ben, à l'animation de ce beau programme-là avec un tata. Oui, toi. Oui. Des fois deux. Des fois deux. Des fois, on est trois. Des fois, on est trois tatas. Mais bon, rien que voulez-vous, on a du fun et c'est ce qui compte. Je m'occupe du compte, ben, en fait, des comptes officiels de la réalité augmentée sur Facebook, facebook.com/realitéog, @realitéog. Bien sûr, aug pour A-U-G, dans le sens de augmenter. Aussi, on a une adresse courriel, podcastrealitéaugmentée@gmail.com. Mais là, on a quatre personnes qui ont gagné et qui la connaissent, notre adresse. Merci. Et on a aussi un site internet qui est plus un dépôt du show que autre chose pour fider les autres endroits où est-ce qu'on est. On salue la gang de Podium Radio, entre autres de Radio H2O, Podcast France, la zone techno-culturelle, nos partenaires, nos brothers in arms de longue date. Donc, on les salue, tout ce beau monde-là qui nous héberge. Et notre site internet, le dépôt où est-ce que vous pouvez retrouver tous les anciens shows, c'est lerealitéog.com. Ah, voilà, c'est fait. Ça fait le tour. Merci d'avoir été là. Ce fut encore une fois une autre belle aventure de la réalité augmentée. J'espère que vous auriez apprécié. On se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup, Luc. Merci à toi. Et bye-bye tout le monde. À la prochaine. Bye.